vous baise tous. Fils de p***. J'entends souvent dire, il faut respecter les anciens. Mais comment faire quand on se retrouve devant un sale chien? T'as beau avoir 56 piges, si t'es un fils de p***, crache à oblige. Moi je te crache dessus, Tim t'es mado d'en bas. Avec ta tête de kiss day, toujours foncé au bar tabac. 24 sur 24, je te vois scotché devant le comptoir. T'espères cocher la serveuse, donc t'enchaînes les verres de Ricard. Ton seul ami, c'est Raymond le taulier. Mais s'il écoute ta vie, dis-toi que c'est par intérêt. La seule fois où ça fera pas ta peur, c'est le facteur. Ah non, j'oubliais, y'a aussi l'huissier pour les factures. En scred, 4 fois par semaine, je te vois sortir du sex shop. Pour toi, c'est rare de ken. Ah non, c'est vrai. T'as ta meuf Martine, une poupée gonflable que t'aimes tringler avec ta vieille pine. Le jour des élections, tiens à voter Le Pen. Vu que t'as peur de la famille africaine, chapiteau deuxième, des fois tu me fais de la peine. Mais bon, j'ai pas de pitié, les déchets comme toi, faudrait les décapiter. On m'a souvent dit, il faut respecter les anciens. Mais comment faire quand on se retrouve devant un sale chien? T'as beau avoir 56 piges, si t'es un fils de p*** crache à oblige. On m'a souvent dit, il faut respecter les anciens. Mais comment faire quand on se retrouve devant un sale chien? T'as beau avoir 56 piges, si t'es un fils de p***, crache à oblige. Toi t'es le genre de père qui élève son fils à coups de ceinture, qui déambule à la sortie des cours après une buture. Ta femme, tu la tapes devant tes gosses, t'es indigne. Après tu t'étonnes d'un divorce. Au boulot, pas capable de serrer un boulot. La dernière fois que tu y étais, t'avais ingurgité un litron. Le bilan, pas de travail depuis 40 balais. RMI à présent le piste, t'as embauché en tant que piston. Ta famille, n'en parlons pas, n'en parlons pas. Si pour certains la vie tourne rond, tu sais pas ce que c'est un combat. Ta mère, décédé d'une cirrhose. Ton père, ton grand frère, tes oncles, décédé de la même chose. C'est triste, triste, triste. Mais d'un côté, je pourrais t'éclater. Le FN, ta femme, tes gosses, ça je peux pas l'oublier. Mais bon, c'est bête, des mecs comme toi, y'en a des millions. Donc même plus âgé, je respecterai pas tous ces darons. On m'a souvent dit, il faut respecter les anciens. Mais comment faire quand on se retrouve devant un sale chien? T'as beau avoir 56 piges, si t'es un fils de p***, crache à oblige. On m'a souvent dit, il faut respecter les anciens. Mais comment faire quand on se retrouve devant un sale chien? T'as beau avoir 56 piges, si t'es un fils de p***, crache à oblige. On m'a souvent dit, il faut respecter les anciens. Mais comment faire quand on se retrouve devant un sale chien? T'as beau avoir 56 piges, si t'es un fils de p***, crache à oblige.